بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في سورة الزمر في المسألة 54 بعد المئة dans la 154e مسألة من هذا الكتاب المبارك. في قول الله عز وجل والذي جاء عفوا أعني طيب المسألة بعدها مش ترومبي celle d'après. في المسألة 55 بعد المئة نعم 155 مسألة في قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم dans la part dans le sens où Allah dit oh mes serviteurs ceux qui ont été très injustes envers eux-mêmes ceux qui ont été qui ont excédé dans le mal envers eux-mêmes c'est-à-dire qui ont commis beaucoup de péchés. Verset 53, Az-Zumar. قال المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة تدل على أمرين. Donc ce noble verset démontre deux choses. الأول أن المسرفين ليس لهم أن يقنطوا من رحمة الله مع أنه جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك وهي قوله تعالى وأن المسرفين هم أصحاب النار. Donc première chose c'est que les musrifin, c'est-à-dire ceux qui ont commis trop de mauvaises actions, n'ont pas à désespérer de la miséricorde d'Allah Azzawajal. Alors qu'il est venu d'autres versets démontrant le contraire de cela. Dans le sens où Allah est dit, et certes, les musrifin, c'est-à-dire ceux qui ont excédé dans le mal, dans le péché, eux seront les habitants du feu. Seront les gens du feu. Ghafir, pardonneur, verset 43. Donc là, dans l'apparent, on a qu'il ne faut pas désespérer de la miséricorde d'Allah Azzawajal, comme cela est la suite du verset. Et un autre verset qui dit que les musrifin, eux, sont les gens du feu. Quand Allah fait le jawab, أن الإسراف يكون بالكفر ويكون بإرتكاب المعاصي دون الكفر. فآيته وأن المسرفين هم أصحاب النار في الإسراف الذي هو كفر. وآيته قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم في الإسراف بالمعاصي دون الكفر. Donc la réponse, tout simplement, que l'israf, c'est-à-dire l'excès dans le mal, dans les péchés et autres, cela peut avoir lieu par la mécréance ou cela peut avoir lieu par le fait d'avoir commis des désobéissances autres que la mécréance, c'est-à-dire pour les croyants. Donc le verset qui dit que eux sont les gens du feu, cela concerne l'israf, c'est-à-dire l'excès dans celui qui est du kufr, dans la mécréance. Et l'autre verset qui dit que les musrifin ne doivent pas désespérer de la rahma d'Allah azawajal, cela concerne les croyants qui, eux, ont commis trop de péchés, mais qui restent des croyants et qui n'ont pas commis de mécréance. وَيُجَابُ أَيْضًا بِأَنَّ آيَةَ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابَ النَّارِ فِيمَا إِذَا لَمْ يَتُوبُوا وَأَنَّ قَوْلَهُ قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا فِيمَا إِذَا تَابُوا. Et également, on peut répondre que ceux qui disent, le verset qui dit que les musrifin sont les gens du feu, cela concerne ceux qui n'auront pas fait tauba. Quant à l'autre verset, concernerait ceux qui ont fait tauba. قَالَ, donc ça c'est la première chose que démontre ce verset. قَالَ وَالْأَمْرُ الثَّانِي أَنَّهَا دَلَّتْ عَلَى غُفْرَانِ جَمِيعِ الذُّنُوبِ مَعَ أَنَّهُ دَلَّتْ آيَةٌ أُخَرَ عَلَى أَنَّ مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَا يُغْفَرْ وَهُوَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ. Donc deuxième chose, c'est que ce verset-là démontre le pardon de tous les péchés. Alors que d'autres versets sont venus démontrer qu'il y a des péchés qui ne sont pas pardonnés et il s'agit du shirk, de l'ascension à Allah Azzawajal. قَالَ والجواب أن آية إن الله لا يغفر أن يشرك به مخصصة لهذه وقال بعض العلماء هذه مقيدة بالتوبة بدليل قوله تعالى وأنيبوا لربكم فإنه عطف على قوله لا تقنطوا وعليه فلا إشكال وهو اختيار ابن كثير. Donc la réponse tout simplement c'est que le verset disant que Allah ne pardonne pas à ce qu'on lui associe quoi que ce soit, Nisa verset 48, est un verset, lui, qui est spécifique, qui est khos, alors que le verset est général. C'est-à-dire, ce péché-là en soi, Allah ne le pardonne pas. Et certains ulama ont dit que le verset où Allah ne pardonne pas est un verset, lui, qui est conditionné pour ceux qui n'auront pas fait tauba. Par preuve, le verset où Allah, dans le sens, il dit, et revenez vers votre Seigneur. que par la suite, dans le même verset, il dit quoi? Et n'espérez pas. C'est verset 54 et verset 53, Sourate Az-Zumar. Donc dans le premier verset, ou plutôt dans le début du verset, Allah dit « Revenez vers notre Seigneur ». Et à la fin du verset qui suit celui-ci, il dit « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah Azzawajal ». Donc en cela, il n'y a pas de problème pour le fait de joindre entre les deux versets. Et ça, c'est le choix de Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala. Naam. Falhamdulillah bil alamin.